tellement d'années, de fureur et de rage, de silence condamné, de larmes et d'orages. Un jour tu partiras et franchiras la porte en laissant sur tes pas toutes ces pages mortes. Je connais ces outrages, ces solitudes-là, ces regards de la cage qui se posent au-delà, et cette adolescence qui hurle à la vie, tandis que la licence te brise et t'asservit. Dans ton désert, tu donnes des airs d'impertinence. Je sais pourtant, encore enfant, ce que tu penses. Pas le droit de sourire au monde qui s'avance, aux musiques qui dansent, aux âmes à découvrir, quand feulent les cerbères, les maîtres de séance, qu'ils se nomment père ou mère, tu retournes au néant. Tu donnes des airs d'impertinence. Je sais pourtant, encore enfant, ce que tu penses. Mais sommeil au profond de ta mélancolie, une étoile qui répond et jamais ne pâlit. Un jour tu partiras et franchira la porte en laissant sur tes pas toutes ces pages mortes. Dans ton désert, tu donnes des airs d'impertinence. Je sais pourtant, toujours enfant, ce que tu penses. Dans ton désert, tu donnes des airs d'impertinence. Je sais pourtant, à cet instant, ce que tu penses.